d'assister à cette troisième séance effective du séminaire d'ISOPO. Et là, j'allais dire la première séance sur l'un de ces grands ismes hein, qui hante le langage commun et la langue politique, et aussi les cours d'histoire des idées politiques, à savoir le républicanisme. Bon, je vais faire trois brèves remarques préliminaires, en essayant de ne pas être trop long. La première concerne le suffixe « isme » et la question de l'étude des idéologies, c'est-à-dire les modes collectifs de pensée, de vision et de division du monde, ce qui pose la question méthodologique de savoir comment s'y prendre pour faire l'histoire des idéologies, hein. L'histoire des idées, si vous voulez, à grande échelle, spatiale et temporelle. Et c'est ce qui pose la question de savoir comment approcher, hein, le dispersé, le labile, comment aussi fixer, hein, ce qui glisse à travers les mains, ce qui correspond à un air du temps, à une constellation, de mots-clés, de slogans, de mots d'ordre, de formules, de raisonnements, de théories aussi parfois, d'injonctions, de lieux communs, hein, qui renvoient à toutes sortes d'usages différenciés socialement, hein, et se prêtent donc aussi à toutes sortes de sources. Bon. En ce sens, parler comme le fait l'ouvrage Culture des républicanistes, dont il sera en grande partie question lors de cette séance, en parler au pluriel, paraît une précaution nécessaire, hein, même si elle ne suffit pas toujours à désubstantialiser les grands ismes. Donc, deuxième remarque rapide, le républicanisme plus particulièrement se situe au cœur d'une historiographie extrêmement foisonnante, hein, depuis au moins un demi-siècle en histoire des idées politiques, et cette séance d'ISOPO, du séminaire ISOPO, est destinée à faire un peu le point, disons, sur un courant idéologique, entre guillemets, majeur, hein, en Europe et bien sûr au-delà de l'Europe, depuis la fin du Moyen-Âge, du moins pour certains historiens des idées, c'est à voir d'ailleurs. Alors, notamment, depuis les travaux de l'historien allemand Hans Baron, qui a lancé l'expression « humanisme civique » pour qualifier un certain langage politique, hein, des républiques italiennes de la Renaissance, citoyenneté, vertu, liberté, armée populaire, patrie, etc. Et après lui, alors je n'insiste pas parce que Jérémy Bartas, que je vais présenter dans une minute, va nous en parler longuement. Après Hans Baron, John Pocock a conféré à cette catégorie historiographique une extension spatiale et temporelle assez formidable, hein, puisqu'il en fait le langage politique crypto-républicain de la Renaissance jusqu'à la Révolution américaine, en passant par la Révolution anglaise du XVIIe siècle. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, l'humanisme, ou la catégorie d'humanisme civique, continue, hein, sa longue et riche carrière, notamment avec une série de travaux associés à l'école de Cambridge, mais pas exclusivement, comme d'ailleurs le volume Culture des républicanismes, dont deux des curateurs se trouvent parmi nous, ont bien voulu venir nous en parler. C'est pourquoi nous remercions, hein, Jérémy Bartas, donc, qui est chargé de recherche au CNRS et membre de laboratoire IRIS, grand spécialiste d'histoire intellectuelle et politique de la Renaissance florentine, auteur d'un ouvrage important intitulé « L'argent n'est pas le nerf de la guerre, essai sur une prétendue erreur de Machiavel » paru en 2011 aux éditions de l'École française de Rome. Donc on remercie Jérémy d'avoir bien voulu venir nous éclairer sur les conditions d'apparition, hein, et de diffusion de cette notion, l'humanisme civique, dont l'usage s'est beaucoup routinisé, voire réifié, qui est très discuté maintenant. Alors en langue française, il y a eu un numéro il y a quelques années, 2008, je crois, de Raison politique, entièrement consacré à la notion, sous la direction d'Yves Saint-Omer, et il y a eu d'autres références, mais ça Jérémy nous en parlera. Alors même que, ici, nous autres Français, si je puis dire, restons assez ignorants et retardataires, hein, quant aux débats internationaux qui ont discuté, voire mis en cause, la pertinence de la catégorie. Donc on va avoir une intervention avec Jérémy, disons un peu méta, hein, méta-historiographique. Ensuite, les historiens du courant de l'école de Cambridge ne parlent pas tous d'humanisme civique, mais seraient d'accord, je crois, pour dire qu'il y a quelque chose comme une idéologie républicaine, hein, alors parlons plutôt de républicanisme, hein, en Europe, comme dit Chris Michael Baker, un idiome républicain, hein, qui aurait été occulté par les grands récits longtemps dominants de la modernité politique, à savoir, disons, le récit libéral, comme progressive découverte des droits naturels de l'individu et de la nécessité d'assigner des limites au pouvoir d'État. Bon, le récit républicain viendrait compléter, supplanter ou contester le récit libéral, et cette histoire de la pensée politique alternative est alternative tant sur le contenu, hein, que dans sa méthode. Ça renvoie par exemple au contextualisme de Skinner ou à l'identification et l'analyse, la reconstitution historique des paradigmes, et ça c'est plutôt Pocock. Donc poser la question du républicanisme aujourd'hui, c'est aussi poser la question de l'héritage de la Cambridge School, sa portée et ses limites. Et en ce sens, la parution récente, donc l'année dernière en 2015, de Culture des républicanismes, donc on fera passer le volume avec Thibault, constitue, je crois, une belle occasion, hein, sous ce rapport, pour revenir, hein, sur cet héritage, pas seulement sur la Cambridge School, hein, mais sur l'héritage historiographique à propos du ou des républicanismes. Donc nous remercions, Thibault et moi, chaleureusement, Yannick Bosc et Christopher Hamel, d'avoir bien voulu nous parler de ce volume qui fait suite à un grand colloque de 2013, et je dis grand parce que Stéphanie et moi, on y a participé, bien sûr. Voilà. Ça a contribué à sa grandeur. Donc Yannick Bosc, qui est maître de conférence en histoire à Rouen, spécialiste de la Révolution, notamment de Thomas Paine et Condorcet, mais pas exclusivement, et tu vas faire paraître un livre dans 2 semaines, tu m'as dit, c'est ça ? Qui s'appelle « La terreur des droits de l'homme » sur la Constitution de 1995. En partie. Thomas Paine et la Constitution de Christopher Hamel est maître de conférence en philosophie, spécialiste de philosophie politique, notamment anglaise, auteur de « L'esprit républicain, droit naturel et vertu civique » chez Algernon Sidney. On dit bien Algernon ? Oui, ouais. Quand on le prononce à la française. Et on dit comment alors ça dépend des... Algernon, je sais ça. Ah ouais. Ça dépend des Écossais. Oui, c'est Écossais. Bon, alors à la franchouillarde, c'est Algernon. Voilà. Paru chez Classique Garnier en 2012, et je signale que Christopher est également un des principaux traducteurs de Skinner, notamment de ses écrits méthodologiques. Je ne sais pas quand ça va paraître, Visions of Politics. Non. D'accord, bon. Voilà, alors cette position. Alors, bon, ce volume, pour aller très vite, c'est déjà très long, engage un dialogue critique, hein, avec l'école de Cambridge, m'a-t-il semblé, critique et compréhensif, hein, tout à la fois, Skinner et Pocock, notamment, selon des perspectives qui ne sont pas uniquement celles de Cambridge. Par exemple, il y a une certaine tradition de l'histoire de la Révolution française, que j'appellerais l'école Florence Gautier, du droit naturel, hein, par exemple. Peut-être que tu pourras nous en dire un mot, éventuellement, Yannick. Ou une certaine tradition de l'histoire de la philosophie, je sais pas. Bon. Par exemple, il y a une contestation assez vive de la thèse de Pocock selon laquelle le républicanisme serait complètement étranger à l'école du droit naturel, ou à la théorie des droits. Bon. Et en ce sens, cette position de relative extériorité depuis la France entraîne deux ou trois avantages. D'abord, je crois que ça rompt avec l'anglo-centrisme longtemps manifeste de l'école de Cambridge pour aller vers les rives, disons, françaises, mais aussi italiennes et aussi américaines, mais ça, bon, Cambridge le faisait déjà un petit peu. Ensuite, cette position amène à intégrer la question de la circulation des idées, Grande-Bretagne, France, Italie, États-Unis aussi. Bon. Et enfin, cette relative extériorité permet en retour de réinterroger le paradigme républicain français ou réputé tel depuis d'autres expériences. Bon. Enfin, dernière remarque, très très vite, qui concerne plus particulièrement, je crois que Christopher va en parler plus spécifiquement, qui concerne plus particulièrement la question des rapports entre philosophie politique et histoire des idées politiques. Des rapports entre une perspective normative associée par exemple au grand nom de la théorie politique ou la philosophie politique républicaine aujourd'hui, bon, il y a Philippe Petit, enfin évidemment je ne sais pas si tout le monde connaît, hein, mais, ou Maurizio Viroli, donc j'ai appris que tu avais traduit en fait, ouais. Et d'autre part une approche plus positiviste qui tente de démarquer très clairement la frontière entre les faits et les valeurs. D'ailleurs j'ai noté qu'une des attaques très fréquemment portées contre Skinner consiste à viser ses présupposés politiques ou supposés tels. En général, ceux qui font ça ont eux-mêmes des présupposés politiques extrêmement forts et lourds. Hein. Bon. Bref, pour discuter d'une partie de ces enjeux, hein, nous sommes donc très, très heureux d'accueillir tous nos invités, ainsi, last but not least, Stéphanie Rosa, qui est philosophe et auteur d'un livre tiré de sa thèse, Comment l'utopie est devenue un programme politique, qui est paru non pas il y a 2 semaines, mais il n'y a pas très longtemps, il y a un mois à peu près, que je ferai passer aussi, hein, qui est là. Comment l'utopie est devenue un programme politique, du roman à la Révolution, qui est consacré à 3 figures très importantes du républicanisme français des Lumières et de la Révolution, Morelli, Mably et Babeuf. Stéphanie a également participé au volume Culture des républicanismes, et donc en ce sens, elle nous a paru être l'interlocutrice idéale pour venir discuter de ce thème et des discussions et des interventions de nos intervenants. Voilà. J'arrête tout de suite et je donne immédiatement la parole au premier de nos intervenants, Jérémy. La parole immédiatement. Bon, il y a une belle transition à base de margarine, hein, du beurre, enfin des pâtisseries, effectivement. Intéressant que tu me tends une perche au Royal, hein, puisque moi, républicaine, une perche républicaine, donc c'est bonne à loi. Donc ma question, moi, c'est en tant qu'historien de la Révolution française, dans mes sources, dans mes archives, c'est qu'est-ce que je fais de ce discours qui a pu être porté par Pocock et ceux qui en prolongent la tradition en quelque sorte. Qu'est-ce que je fais de ce discours quand je le confronte à ce que je trouve justement dans mes cartons, dans mes textes du XVIIIe siècle. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours comme construction idéologique qui empêche en grande partie de saisir ce que je trouve justement dans ces archives. Alors, merci bien sûr déjà aux organisateurs d'avoir donné l'occasion de pouvoir débattre de cet ouvrage qui n'est pas de ce colloque d'abord, qui est un ouvrage qui n'est pas spécifiquement lié à la Révolution française, mais où un des contributeurs, des acteurs de ce projet travailler sur la Révolution française, mais qui a essayé de regrouper, on va dire, d'autres travaux, d'autres chercheurs, dont les recherches concernaient ce domaine de la des traditions républicaines et qui étaient bien souvent confrontés aussi à ces grandes organisations, ces grands systèmes explicatifs qui leur posaient problème dans la mesure où dans leurs archives ou dans leurs travaux ils butaient sur ce type de construction. Alors c'est moins un ouvrage qui est le résultat de quelque chose qu'un jalon dans des projets, on va dire, qui se sont déployés avant, qui continuent à se déployer. C'est moins un point d'arrivée que peut-être un point de départ, puisque il est parti donc de ce constat qu'on était nombreux en fait dans différents champs de recherche à ne pas forcément connaître nos travaux respectifs et à donc buter sur des constructions qui apparaissaient souvent comme des obstacles pour comprendre nos objets. Quand on a évoqué l'idée de républicanisme, on l'a évoqué dans une acception large du terme, c'est-à-dire qu'on essayait de regrouper sous ce mot, non pas le sens étroit, donc la margarine que tu évoquais, mais un sens large de ce qu'on a appelé des cultures du politique, et en particulier des cultures du politique centrées sur la culture du bien commun. Et ce, par opposition à ce qui est souvent mis en avant, c'est-à-dire une vision très étroite, très usuelle, que l'on trouve fréquemment, qui est celle d'une forme de gouvernement qui est définie par opposition à la monarchie et que l'on trouve en grande partie dans toute la littérature autour de la Révolution française et que l'on trouve ensuite au XIXe et au XXe siècle. Et ce sens étroit, nous ne le rencontrions pas dans les archives en tant qu'historien de la Révolution française. Alors tu faisais allusion, Arnaud, à ce qu'on a appelé, c'est Vauvel qui a appelé ça au moment du bicentenaire l'école du droit naturel. Moi j'étais formé par Jacques Guillaumou et Florence Gauthier, donc formé à l'idée qu'il faut prendre au sérieux les catégories des acteurs, et où on constatait que l'idée de république, quand elle se constituait dans l'action, dans la pratique politique de la Révolution française, n'était pas exclusivement déterminée par la forme de gouvernement, mais mettait en jeu l'idée d'un projet de société, d'un projet déclaré en 89, hein, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que être républicain, c'était prendre au sérieux ce projet et d'essayer de mettre en œuvre des dispositifs permettant de le mener à bien, sachant que ce projet était lui-même complexe et donc lié à des débats politiques, et la Révolution française étant bien sûr un processus dans lequel ce débat, ces conflits se déploient, se développent. Et quand j'étais jeune chercheur, donc dans les années 90, il y avait tout le moment du bicentenaire, et en particulier la question du bicentenaire de la République. Il y avait eu des débats autour de Vauvel, dont j'étais à l'époque l'étudiant, pour savoir s'il ne serait pas judicieux de définir ce mot de république. Essayer justement d'aller au-delà de ce qui serait une république pensée par opposition à la monarchie comme une forme, donc. Et toutes les propositions, en fait, qui avaient été celles de définir la République à partir des catégories des acteurs, donc définir la liberté à partir des droits déclarés, définir la République à partir d'une certaine idée de la liberté, toutes ces propositions-là avaient été marginalisées à l'époque, comme étant non pertinentes, parce que finalement, en dehors du champ qui est le champ des études de l'historien, c'est-à-dire un champ qui est d'abord un champ de l'histoire sociale, et qui ne doit pas donc être contaminé en quelque sorte par ce qu'on appelle l'histoire des idées. Et donc un colloque est sorti aux éditions Quimet, a été publié, qui s'appelle « L'exception française ». La République ou l'exception française, et qui a pour caractéristique donc de mettre à distance tout ce qui a pu exister comme tradition républicaine ou dite républicaine avant la Révolution française, et de souligner la spécificité de la Révolution française et donc d'un républicanisme qui se constitue d'abord face à la monarchie. C'est donc également important d'intervenir dans un séminaire qui n'est pas organisé principalement par des historiens et qui s'intéresse à l'histoire sociale des idées politiques, quelque chose qui est relativement minoritaire en fait du côté d'historiens, pour pas dire inexistant presque, en tout cas chez les historiens de la Révolution française, alors que c'est, on va dire, par nature ce que j'estime être mon travail d'historien de la Révolution française. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout philosophe, mais que je trouve des notions, des catégories dans les archives, en situation de débat politique, où on mobilise des notions de liberté, d'égalité, de propriété, de citoyenneté, de nation, de peuple, de patriote, etc., etc., etc. Et que ces notions ne sont pas mobilisées autour d'une table où on débat, mais dans un lieu où on fait la loi, la plupart du temps, et donc que ça a une fonction très concrète. Exemple que j'aime donner habituellement, deuxième grande jacquerie de la Révolution française, on est à l'hiver 89-90 et en gros les paysans se révoltent parce que on a toujours à racheter les droits féodaux qui ont été abolis contre rachat en 89. Et donc débat à l'Assemblée, est-ce qu'on a affaire à des brigands qui s'opposent à la propriété ou est-ce qu'on a affaire à des patriotes qui défendent leur liberté? qui va définir le sens du mot patriote, le sens du mot liberté, le sens du mot propriété. Est-ce qu'on est devant des individus qui s'opposent à la loi ? Ou est-ce qu'on est devant des individus qui, par leur action, renforcent la loi et contribuent à la constituer ? Et il y a une grande polémique où on oblige Robespierre à ne pas nommer ces individus patriotes, mais à les appeler brigands. Et il refuse, on insiste, il refuse encore, on insiste, il dit « bon, très bien, je vais parler d'hommes ». Il y a là simplement un enjeu qui est très clair, c'est que si ce sont des brigands, on peut leur envoyer la garde nationale, proclamer la loi martiale et tirer. Alors que si ce sont des patriotes qui défendent la liberté, non pas des brigands qui attaquent la propriété, alors il faut reconnaître leur action et leur décerner des vertus de citoyens, des vertus républicaines qui sont emblématiques de ce que devrait être la nouvelle société qui est en train de se constituer. Donc il y a dans les mots que l'on trouve dans les catégories, qu'on trouve dans les archives, des constructions dans l'action du sens de ces termes, et qui sont souvent indépendants, on va dire, de tout un corpus philosophique, de toute une tradition philosophique que par ailleurs développent les philosophes et qu'on ne s'interdit pas de fréquenter, mais qui n'est pas d'abord notre objet. Et donc c'est souvent dans l'écart qu'il y a entre ce que l'on voit, nous, dans les archives et la manière dont, en philosophie, en particulier, des grands systèmes de pensée traduisent ces catégories, pour parler de la Révolution française également, qui a engendré tout ce questionnement dont ce colloque, ce livre, est en quelque sorte, je disais, un jalon. Un jalon important. Donc on est devant des notions qui sont ouvertes, qui sont constituées dans l'événement, qui sont l'objet de rapports de force. C'est comme ça, en quelque sorte, que l'école historique, si on peut appeler ça une école avec laquelle je travaille, a essayé d'envisager cette approche. Et on est effectivement plutôt marginaux dans le champ des études révolutionnaires. Hein. Comme je vous l'ai dit, on a plutôt tendance à penser que ces objets-là sont du côté de la science politique ou du côté de la philosophie et pas de l'histoire. Alors, comme tu le rappelais, c'est un ouvrage qui s'intéresse à des pluriels, enfin qui a mis en avant des pluriels, des cultures, des républicanismes, ou des cultures de la chose publique qui sont qualifiées de républicaines et dont on voit en particulier elles s'affrontent dans la Révolution française. Il y a différentes manières, hein, comme il y a différentes manières de parler de la liberté, de l'égalité, de la propriété, il y a différentes manières de parler de la République et de se désigner comme républicain dans la Révolution française. Il y a différentes manières d'être républicain, de penser la République, parce qu'il y a différentes manières de penser ce qu'on appelle un État social. Donc il y a différentes manières de penser la propriété, la liberté et leur rôle dans une société, la manière dont cette société va réguler ou pas, ou prendre en charge ou pas ces notions. Donc c'est pas parce qu'on a dit républicain qu'on s'est dit voilà, c'est parce qu'on est contre les rois qu'on a avancé beaucoup dans la compréhension de ce que les acteurs désignent eux-mêmes comme république ou pas d'ailleurs. Voilà, donc différentes cultures qui étaient prises en considération avec cette idée que nous sommes dans des configurations qui varient, qui ne sont pas fixées, qui sont hybridées, qui passent d'un espace à l'autre, passent d'un moment à un autre, que différentes cultures qui ne sont pas enfermées sur elles-mêmes mais qui empruntent, et qui s'inscrivent dans des dynamiques politiques qui les colorent ou non, qui leur donnent un certain nombre de caractéristiques ou pas, qui les distinguent ou non d'autres. Et c'était l'idée d'essayer de rendre compte en quelque sorte de cette complexité en portant l'accent sur plutôt le monde atlantique et le monde européen. Mais il n'y avait pas que ça, dire que dans cette approche, ce qu'on appelle les cultures des républicanismes, ce n'était pas que notre esprit que les cultures des acteurs, mais également ce qu'on pourrait appeler des cultures interprétatives, dont celle de Pocock et dont d'autres, puisque il existe différentes cultures interprétatives, donc des cultures qui viennent de travaux savants, et qui servent à qualifier, à caractériser la culture des acteurs ou les cultures des acteurs. Et ces cultures interprétatives ont eu tendance, plus que la culture des acteurs ou les cultures des acteurs, ont eu tendance à construire un sens ou des sens pour la notion de républicanisme et un rapport dans lequel ces cultures savantes ou ces interprétations savantes ont eu tendance à, en tout cas dans mon objet à moi, mais pas seulement, Christopher travaille sur le 17e et a rencontré le même type de questions pour Ciné, en tout cas l'idée qu'on aurait des interprétations qui auraient tendance à simplifier, voire à recouvrir, à opacifier les cultures des acteurs. Or, il y a dans, est-ce que tu veux, ta conclusion, Jamil, rebondit là-dessus, or, il y a dans ces jeux interprétatifs, dans ces manières de désigner, de construire des grands schémas explicatifs, il y a des enjeux idéologiques et des enjeux politiques. Et évidemment, il y a des enjeux idéologiques et politiques quant à la manière dont on va interpréter la Révolution française, où on va la placer ou pas dans ces grandes boîtes qui ont été constituées, qui ont été en grande partie, tu l'as rappelé, constituées à partir du langage de la guerre froide. Et en histoire de la Révolution française, c'est évidemment François Furet qui est emblématique hein, de ce moment où l'interprétation de la Révolution française s'inscrit dans un contexte de guerre froide hein, où il y a des enjeux qui sont des enjeux de disqualification en fait d'un certain nombre de constructions politiques, de dispositifs politiques qui ont été constitués dans l'histoire et qui sont désignés comme impropres, on va dire, à la modernité, en tout cas à la modernité telle qu'elle a été également fabriquée. Donc il s'agit ici de manière assez ouverte hein, de rendre compte de toute cette multiplicité d'expériences républicaines et également de rendre compte derrière elles des constructions idéologiques, des constructions théoriques qui ont également une histoire et des constructions à partir desquelles donc ces expériences sont qualifiées de républicaines ou pas et sont classées en différents types de républicanisme. Et dans ce cadre-là, parce que c'était ce qui nous paraissait le plus le plus évident, et parce qu'autour de Rouen, alors Christopher a rejoint Rouen, il était à Rouen à un moment donné sur un poste de la Terre, après t'es parti à Bruxelles, mais il y avait de fait à Rouen, du côté des civilisations américaines, du côté de l'histoire de la Révolution française, du côté de l'histoire du socialisme, Jean-Numa Ducange, du côté de la pensée italienne du 19e siècle, Frétinier, du côté de l'histoire de la République au 19e, Rémy d'Alisson, il y avait finalement des forces, personnes qui rencontraient des notions dans des objets qui n'étaient pas les mêmes et qui finissaient par se poser à peu près les mêmes questions. Et en particulier, quand je parle de la question de ces classifications, le fait qu'on pouvait rencontrer dans nos travaux empiriques une perméabilité, une forte porosité entre des traditions qui sont justement dans ces grandes constructions idéologiques séparées les unes des autres. Et en particulier dans la Révolution française, le fait qu'on retrouve des liens forts entre la tradition républicaine, la tradition du droit naturel, la tradition juste naturaliste, donc, et la tradition socialiste, qui sont jugées pourtant souvent incompatibles les unes avec les autres, ou en tout cas qui sont traitées en étant dissociées les unes des autres. Alors, on va retrouver ce que tu évoquais à partir de la, de tes références à Hannah Arendt et à ses traditions d'interprétation, parce que la, la, la première opposition qui nous est apparue comme matricielle, en fait, des, de la séparation qui a été instituée entre la, la tradition républicaine et la tradition libérale vient directement de la Révolution française elle-même, puisque c'est l'opposition, vous savez, entre la liberté des anciens et celle des modernes, qui est définie par Germaine de Staël sous le Directoire, à un moment où il s'agit de mettre de côté la liberté telle qu'elle a été mise en avant jusqu'en 1795, parce que cette liberté est associée à la terreur. Le nom de Robespierre et le mot de liberté sont profondément associés, ce qui fait que les Thermidoriens se donnent pour tâche, en particulier, d'essayer de dissocier Robespierre et la liberté. Parce qu'ils ont un projet qui est effectivement de mettre en avant des idées de liberté fondées sur des droits individuels à la liberté, et en même temps de mettre à distance possible la connotation terroriste de la liberté qui est associée au nom de Robespierre. Donc les Thermidoriens vont tout faire pour dissocier les deux. Robespierre est par nature la négation de la liberté. Nous avons fait, le 9 Thermidor, une révolution de la liberté. Donc tout le dispositif thermidorien va consister à séparer Robespierre et la liberté, ce qui ne marche pas. Et Germaine de Staël, s'en apercevant, constate qu'il faut fonder autrement cette liberté, non pas en la dissociant de Robespierre, mais en montrant que Robespierre a une autre idée de la liberté. Donc il a une liberté, une idée de la liberté qui est celle des anciens, par opposition à une autre idée de la liberté qui serait celle des modernes. Il serait figé dans le passé, en quelque sorte, chez les Romains. Il n'aurait pas compris les enjeux de la société marchande émergente et la nécessité de garantir les droits de l'individu, et mettait en avant une liberté qui était enfermée dans la cité, dans la citoyenneté. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que Germaine de Staël recycle en fait tout ce qu'il y a dans les pamphlets thermidoriens, où on trouve partout Robespierre était un Romain, il était perdu dans des idées comme ça, pas de son temps, c'était un type qui était à côté de la plaque, etc., etc. Donc elle théorise en fait ce qui est déjà dans un corpus très largement diffusé depuis 1794, et qui va être après fixé de manière plus poussée peut-être par Benjamin Constant. Vous le savez. Donc la liberté des anciens serait celle des républicains, elle serait fondée sur la vertu politique, et donc se mesurerait par l'implication dans les affaires de la cité. Et donc le fait, pour être libre, il faut être citoyen, il faut être un citoyen pleinement actif, pleinement intégré dans le jeu politique. Et donc, ce faisant, si on s'implique trop dans cette citoyenneté, dans cette cité, on contraint sa liberté individuelle en la mettant au service du groupe. Et on obtient donc l'idée que cette liberté individuelle est en fait mise à mal par l'investissement dans le groupe, hein, avec cette idée donc qu'il faudrait en fait se dénaturer, perdre en particulier des qualités propres à l'homme, hein, cette liberté individuelle, pour devenir citoyen, se dénaturer pour devenir citoyen en renonçant en quelque sorte à sa liberté naturelle, une liberté qui est définie comme une liberté individuelle donc, et qui est pensée comme une liberté sans entrave. Et au contraire, les modernes mettraient en avant les droits attachés aux individus, mettraient en avant les droits inaliénables de l'homme, que la cité devrait garantir et non pas entraver. Et cette liberté des modernes fonderait le libéralisme, nécessaire au déploiement du capitalisme, puisqu'il permettrait de libérer donc l'individu des contraintes collectives qui empêchent cette liberté d'entreprendre. Alors ce schéma qui est constitué à ce moment-là est repris presque tel quel par un certain nombre d'historiens de la Révolution française, hein, et en particulier Keith Baker, qui a modélisé en quelque sorte, en reprenant Pocock, ce schéma pour en faire l'interprétation générale de la Révolution française, en mettant face à face ce qui a été quasi modélisé par Pocock, qui est le droit d'un côté et la vertu de l'autre. Hein, le droit qui serait du côté des modernes et la vertu qui serait du côté des anciens. La vertu qui serait du côté des citoyens et le droit qui serait du côté de l'homme. Et donc dans le schéma de Baker, on aurait les montagnards du côté des anciens, partisans d'une vertu qui aliène la liberté individuelle, et face à eux, on aurait les Girondins, expression de la liberté des modernes, qui seraient les défenseurs des droits de l'homme. Cette opposition-là est bien balisée. Il y en a une autre sur laquelle on bute, qui est l'opposition entre socialisme et républicanisme, qu'a priori une commune référence au bien commun pourrait permettre de rassembler, mais qui d'ailleurs a été au cœur de la réflexion des premiers républicains dans le premier 19e siècle. Les nouveaux républicains ou les premiers communistes socialistes du 19e siècle mettent ensemble, pensent ensemble un projet socialiste et un projet républicain et le pensent également en relation, comme Buonarroti par exemple, au principe du droit naturel. Et on s'aperçoit que tout ce courant de pensée s'efface après 1848. Et dans la seconde moitié du 19e siècle, la tradition socialiste va mettre de côté la tradition républicaine, qui est jugée épuisée sur le plan de ses potentialités politiques et considérée comme impuissante face au développement de l'industrialisation et du capitalisme. Tels qu'ils essayent de les théoriser. Donc on a un républicanisme qui est mis de côté, distingué du socialisme, et on a un républicanisme qui est dissocié également du libéralisme, donc comme s'il y avait les idéologies de la modernité, socialisme et libéralisme, qui se défaisaient en fait d'une idéologie qui serait enfermée dans du passé et inapte inapte à être en quelque sorte une boîte à outils pour penser cette modernité. Or, encore une fois, quand on regarde les sources de la Révolution française, on s'aperçoit que Robespierre, qui est donc classé du côté des anciens, estime que la République doit être entendue comme un bien commun et que cette République consiste dans la mise en œuvre, je le disais tout à l'heure, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un texte qui est pourtant censé être du côté de la liberté des modernes ou du côté des droits bourgeois. On voit également que Robespierre ne sépare pas la vertu et le droit, mais argumente la nécessité de la vertu politique à partir du droit. Et en revanche, on voit par exemple des personnages comme Jean-Baptiste Sé, qui sont des pères fondateurs de l'économie dite libérale, et qui sont des contemporains de la Révolution française, qui ne font pas du tout l'apologie des droits naturels, comme pourrait le penser, mais au contraire, pense qu'il s'agit d'un outil dangereux qui a été, disent-ils, mis aux mains de Robespierre. Donc Robespierre défendrait les droits naturels, Jean-Baptiste Sé les condamnerait, ne trouve pas dans, dans les sources, dans les débats, d'éléments qui rentreraient en quelque sorte, sans question particulière, dans les grands schémas intellectuels qui ont été constitués. Alors l'enjeu n'est pas simplement un enjeu en termes de connaissances, un enjeu intellectuel, puisque il y a des enjeux derrière qui sont politiques autour de la mise en place et la diffusion de ce qu'on appelle encore d'ailleurs un néo-républicanisme, qui s'est constitué autour du travail de Philippe Petit, et qui cherche donc dans la tradition républicaine ou dans les traditions républicaines des éléments pour penser, on va dire, à partir du langage républicain, pour penser un gouvernement aujourd'hui, hein, une politique aujourd'hui qui aurait des traits distincts du libéralisme et qui met en avant donc l'idée de liberté comme non-domination, comme étant la caractéristique principale de ce néo-républicanisme, en s'appuyant sur les travaux de Quentin Skinner en particulier. Le livre de Petit est intéressant dans la mesure où il ignore complètement la Révolution française. Et Pocock, d'ailleurs, lui-même, travaille sur la notion de républicanisme en ignorant complètement la Révolution française. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que quand on est historien de la Révolution française et qu'on lit le livre de Petit, on s'aperçoit qu'il y a dans ses propositions néo-républicaines, qui ne s'appuient en rien sur l'histoire, apparemment, mais plutôt sur la méthodologie analytique, il y a des points communs, important avec ce que l'on trouve dans les discours des montagnards, par exemple. Et donc, le fait, en tant qu'historien de la Révolution française, de se confronter à toutes ces grandes constructions idéologiques, hein, est apparu principalement au moment de la traduction française du livre de Petit, hein, où, dans la quatrième de couverture, hein, il était expliqué que le républicanisme n'était pas français, que le républicanisme venait de l'Angleterre, venait des États-Unis, venait de l'Italie, mais certainement pas de la France, hein, et que il ne pouvait pas venir de la France, puisque le républicanisme en France a une connotation exclusivement antimonarchiste. Et que, au contraire, toute cette tradition républicaine, multiséculaire, est inscrite dans une idée de la liberté, d'abord, et non pas dans simplement une forme de gouvernement. Et s'appuyant d'ailleurs sur le fait que les historiens de la Révolution française eux-mêmes ne sont pas intéressés, une grande partie d'entre eux ne sont pas intéressés à cette idée de la liberté, mais ont mis en avant justement cette forme de gouvernement. C'est Spitz qui l'a traduite, ça a été fait chez Gallimard. Alors, qui a écrit la quatrième de couverture, je ne sais pas. L'éditeur, sûrement. Avec l'appui de Spitz, certainement, et puis avec l'accord de Petit, qui dit lui-même que, bon, la Révolution française fait une vague allusion à Sieyès, c'est tout, quoi. Il ne parle pas du tout de la Révolution française, et c'est pas du tout son objet. C'est un objet qui est considéré comme en dehors du modèle, hein, véritablement. Voilà, comme Pocock. Il s'inscrit exactement dans une vision pocockienne, sauf que il modifie l'idée de la liberté et s'intéresse à la liberté. Il en fait une liberté négative et il en fait une liberté comme non-domination, alors que du côté de Pocock, on est quand même du côté de la liberté positive. Hein, mais autrement, on est effectivement dans cette même configuration. Et donc, ça veut dire que ce que Spitz appelle le vaste réservoir d'idées qui vient du passé, dans l'Italie, dans l'Angleterre, aux États-Unis, d'idées républicaines qui peuvent être utilisées aujourd'hui comme des moyens de faire face à l'hégémonie libérale, de ce vaste système d'idées est exclue la Révolution française, parce que justement, elle n'est pas dans le même paradigme. Elle n'est pas dans cette idée d'une liberté pensée comme non-domination d'abord. Ça veut dire donc qu'on exclut des outils conceptuels pour penser notre monde aujourd'hui, une révolution française, en particulier la Première République, que les thermidoriens ont appelée terreur. C'est-à-dire qu'on exclut d'emblée de notre réflexion quelque chose qui est politiquement invendable et qui renvoie justement à ce que tu disais, c'est-à-dire le fait que, effectivement, le Robespierre hein, que tu montrais dans ta citation tout à l'heure est toujours ce même Robespierre qui est l'épouvantail qui permet de ne pas traiter ou considérer des idées qui sont estimées potentiellement totalitaires pour les uns ou obsolètes pour les autres parce que perdues dans une histoire passée en fait et qui n'a plus de sens par rapport à l'histoire telle qu'elle se fait aujourd'hui. En particulier la vision qui est développée du côté des traditions socialistes. Alors ce qui est intéressant, c'est que je le disais, Petit retrouve sans vouloir en parler, sans vouloir le considérer, ce que un historien de la Révolution française voit dans les textes des Montagnards. Et il parle de liberté comme non-domination, mais autour du groupe que l'on forme avec Florence, Jacques et d'autres, a été mis en avant ce qu'on appelle la liberté comme ou la liberté en tant qu'elle est réciproque. Donc on a mis dans les années 80, 90, en avant le fait que la pensée républicaine de la Révolution française était fondée sur une idée de la liberté qui n'était possible que dans un rapport égal à l'autre. C'est parce que nous sommes tous égaux en droit, que nous sommes tous égaux face à la liberté, que nous avons également droit à la liberté, que nous formons véritablement une société, en d'autres termes, que nous formons une république. Or, c'est ce que retrouve, pour moi en tout cas, Petit, sous l'idée de liberté comme non-domination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre ces deux définitions de la liberté. Une qu'on a retrouvée en réfléchissant à partir de la tradition du droit naturel, et une autre qui a été pensée complètement en dehors de cette tradition, et en particulier à partir de Pocock. Donc on doit pouvoir en déduire hein, que si cette liberté comme non-domination et ces courants républicains, italiens, anglais, américains qui la mettent en œuvre sont des réservoirs pertinents pour penser nos sociétés aujourd'hui, on peut en conclure que la terreur est également un champ d'expérience pertinent pour penser nos sociétés aujourd'hui. Et donc d'où vient ce label terreur, que recouvre-t-il, comment a-t-il été constitué, pour quelles raisons, c'est des questions qu'on pose en tant qu'historien de la Révolution française. Oui. Il nous reste une heure. Je pense que je ne sais pas si tu as encore beaucoup de choses à dire. Non, je voulais lancer également un débat sur la question des communs, qui était aussi au centre des interrogations, mais on pourra l'aborder dans le. Dans la discussion, c'est-à-dire que on s'est rendu compte également dans ce colloque en travaillant donc avec différentes disciplines en écho les unes avec les autres que la République pouvait être pendant la Révolution française en particulier pouvait être pensée, retravaillée autour ou grâce à la notion de commun. Avec l'idée que le républicanisme serait en quelque sorte une modalité de ce que les économistes appellent la gestion ou la gouvernance du bien commun qu'on appelle la République. et avec la possibilité pour des historiens de d'utiliser la grande vogue en quelque sorte de la question des communs pour leur vendre en quelque sorte aussi la terreur. En gros, ce que vous décrivez à travers les systèmes d'Elinor Ostrom qui sont sur des inventions de communs liées à des ressources particulières, c'est comme ça que marchent les communautés villageoises, c'est comme ça que marche une communauté paysanne au XVIIIe siècle, et c'est ce modèle de bon gouvernement local, de petite république pensée localement, qui va en grande partie façonner la manière dont la République va être mise en œuvre en l'an 2. Et donc, à la fois une inquiétude et un intérêt des économistes, c'est-à-dire l'idée que, effectivement, si nous vend la terreur, ou si c'est de fourguer la terreur, c'est pas un objet qui est particulièrement consensuel et qui va permettre de donner corps à un projet de république des communs. Mais en même temps, ça nous dit que ce que l'on voit, nous, commencer avec la tragédie des communs d'Ardine en 68 et toute la tradition néolibérale qui se constitue autour de ça, a une épaisseur historique bien plus importante. Il y a des expérimentations historiques qui ont été faites au niveau des communs avant et qui sont d'une richesse peut-être assez rare, hein, sur laquelle on pourrait travailler pour réfléchir à ce que ça implique de travailler sur des communs, de ce que ça implique à l'échelle d'une société, pas simplement à l'échelle d'une exploitation. Voilà. Ok, merci, super bien. Christopher. Oui, ça va prolonger reprendre et prolonger certains éléments que tu mentionnais. Que tu présentais. Et donc, moi, dans cette présentation que je vais essayer de tenir dans des limites raisonnables, mais c'est prévu, donc je vais y arriver. Je vais essentiellement donc explorer un peu plus en détail que je le fais dans la conclusion du volume, et notamment dans la conclusion de ma conclusion, enfin, dans ma conclusion de la conclusion, ce qui me semble être deux des conditions minimales, il y en a sûrement d'autres, et elles ne sont pas que deux, auxquelles l'histoire de la pensée politique et la philosophie politique contemporaine peuvent collaborer. Donc à quelles conditions elles peuvent collaborer? En prenant bien sûr appui sur le cas du républicanisme, ou du néo-républicanisme. Alors je précise pour commencer les prémices dont je pars, pour que l'exposé soit compréhensible. Et bien sûr, ces prémices sont des affirmations, en fait, qu'il faudrait étayer, et je serais bien sûr disposé à les défendre dans la discussion si vous les jugez pas convaincantes intuitivement. Alors, premièrement, je considère que la philosophie politique et l'histoire de la pensée, des idées ou de la philosophie politique, sont deux activités qui doivent d'abord être impérativement distinguées. Être philosophe et être historien de la philosophie, c'est pas les mêmes opérations. Elles sont ensuite parfaitement légitimes en elles-mêmes. Bon, ça, en un sens, heureusement, mais enfin, une fois qu'on les a distinguées, il faut le préciser. Et enfin, elles entrent en tension l'une avec l'autre, ces opérations et ces activités. Car, en effet, deuxième prémisse, je ne parle pas de toutes les formes de philosophie politique contemporaine, mais seulement de celles qu'incarne Philippe Petit, qu'on appelle la philosophie politique normative, et qui, par la nature même des opérations qu'elle met en œuvre, est étrangère au travail historique, puisqu'elle est tournée vers le présent et vers l'avenir, et consiste principalement à analyser, à prétendre analyser les concepts et les valeurs politiques, à justifier ou à critiquer les normes et les institutions auxquelles ces concepts vont et ces valeurs sont censés s'appliquer. Troisièmement, je n'ai pas non plus à l'esprit, bien sûr, toutes les formes d'histoire, mon esprit est trop limité pour ça, mais seulement celles qui, de façon plus ou moins explicite, prétendent être en prise avec les débats intellectuels contemporains. Donc, les différentes formes de ce qu'on pourrait appeler, de façon, bien sûr, l'expression n'est jamais neutre, mais différentes formes d'histoire intellectuelle. Et l'histoire sociale des idées politiques en fait, en un certain sens, bien sûr, partie. Dernière prémisse, enfin, qui vient répondre ensuite à la question de savoir pourquoi il faudrait justifier l'articulation de ces deux attitudes vis-à-vis de la pensée politique, l'attitude normative contemporaine et l'attitude historique. On pourrait en effet penser qu'il va de soi que la philosophie politique normative contemporaine doit s'appuyer sur son histoire et qu'il va de soi, de la même façon, que les différentes formes d'histoire intellectuelle se retrouvent largement, entendent largement nourrir les débats théoriques contemporains. Et ce sentiment, précisément, d'évidence, se vérifie chez les partisans de ces deux attitudes, historiennes, normatives, ce qui contribue, en fait, je pense, à occulter les enjeux épistémologiques de cette fructueuse collaboration. Et donc, pour formuler les enjeux ou le problème qui se pose, on peut dire les choses ainsi, c'est que d'un côté, l'attitude historienne, elle présuppose, mais bien souvent, sans l'avoir montrée de façon effective et convaincante, elle présuppose que l'enquête historique contribue à elle seule et directement au projet tourné vers la construction de modèles théoriques destinés eux-mêmes à prendre en charge les difficultés des sociétés contemporaines. Et de l'autre côté, les philosophes politiques aujourd'hui se réclament tous de fait, plus ou moins explicitement, d'une tradition intellectuelle. Alors ça peut être le libéralisme, le républicanisme, le marxisme, etc., etc. Se réclament donc plus ou moins explicitement d'une tradition intellectuelle sans avoir pris la mesure de ce qu'implique pour leur activité même théorique, cette inscription dans l'histoire, et en particulier sans avoir bien réalisé que cette inscription, vient mettre en cause leurs prétentions, par ailleurs qui semblent légitimes, de développer des critères de validité philosophiques indépendants vis-à-vis des débats historiques. Hein. Vouloir s'inscrire dans l'histoire, ça implique, au moins à première vue, de devoir renoncer à la volonté d'adopter des critères qui ne sont pas des critères fixés par les historiens. Et ce sont des critères normatifs. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, selon l'objet qu'on se donne ou le type de théorie qu'on adopte. Alors. Donc les deux conditions, hein. Première condition, c'est pour une fructueuse collaboration, c'est tout d'abord élaborer un argument explicite qui justifie la pertinence de l'invocation des traditions intellectuelles dans les projets théoriques contemporains. Alors, il faut avoir à l'esprit qu'un tel argument, il est nécessaire, parce que en elle-même, enfin moi j'aurais tendance à défendre ça fermement, en elle-même, l'inscription historique du projet théorique contemporain ne légitime rien de ce projet. Il faut donc montrer en quoi un tel projet contemporain, et en l'occurrence le projet républicain, a besoin de son histoire, par exemple, a besoin de la référence à la Révolution française, et ne peut pas se contenter du moment machiavélien, de la transition atlantique depuis la Renaissance machiavélienne, en passant par l'Angleterre puritaine pour aller jusqu'à la Révolution américaine. En quoi le projet républicain aujourd'hui a besoin de l'histoire de la Révolution ? Si on suppose qu'on veut précisément réinscrire, ce qui n'est pas évident pour Petite, le projet républicain dans cette histoire-là. Donc, en quel sens il en a besoin pour être intellectuellement alors valide, cohérent, complet, satisfaisant ? Bon, ça dépend des... ces termes ne sont pas évidemment équivalents. Or, cela requiert, cette démonstration, de montrer que l'évolution historique, et notamment ses ruptures, ne sont pas toujours des obstacles à la continuité que l'on revendique. Donc il y a des ruptures, on les constate, mais ces ruptures ne sont pas des obstacles à la continuité qu'on revendique, puisqu'on s'inscrit dans une histoire. Exemple, un exemple un peu gênant évidemment, mais il faut pouvoir montrer que le fait historique que des formes de pensée républicaines ont accompagné des pratiques, voire des justifications de l'esclavage ou de la colonisation, montrer que ce fait n'empêche pas qu'il soit légitime de revendiquer l'inscription du projet républicain dans la tradition républicaine. C'est-à-dire qu'il soit légitime de revendiquer une forme de fidélité à l'histoire, une fidélité de la théorie à l'histoire. Et à son tour, cette démonstration, elle exige de pouvoir montrer plusieurs choses. non seulement, premièrement, que l'idéal républicain, tel qu'on le comprend aujourd'hui, peut se passer de son articulation à l'esclavage et à la colonisation, certains le nient, hein, que ce soit possible, que c'est la raison pour laquelle il faut se débarrasser de l'idéal républicain, le mettre à la poubelle des théories normatives, mais aussi montrer que l'idéal républicain aujourd'hui doit évidemment pouvoir se passer d'une articulation, pas seulement qu'il peut le faire, mais qu'il doit le faire, ce qui est une démonstration, enfin, un argument différent. Et enfin, il faut pouvoir montrer que cette rupture historique ne rend pas impossible l'existence d'une continuité plus fondamentale, laquelle justifie précisément cette inscription de la théorie républicaine dans l'histoire de la tradition républicaine, d'une théorie républicaine dans l'histoire d'une des traditions républicaines, si on veut garder ce pluriel cette précaution nécessaire, comme le disait Arnaud tout à l'heure. Or, il me semble, et là je vais rentrer dans le comment dire, je vais essayer de mettre un pied dans le séminaire. Il me semble, mais c'est un point bien sûr que je soumets donc à votre jugement, c'est que cette démonstration donc d'une continuité légitime malgré des ruptures importantes, elle est en fait facilitée si on se limite, et par limite j'entends quelque chose de limitatif, hein, si on se limite à établir une continuité conceptuelle. En effet, si on prétend, et là je pense évidemment à Petite, si on prétend, comme Petite par exemple, que l'idéal premier du républicanisme, a été rappelé par Yannick tout à l'heure, c'est la liberté individuelle conçue comme le fait de ne pas être soumis à la volonté arbitraire d'autrui, le fait de ne pas être dominé, alors il est relativement aisé de montrer qu'il y a bien une continuité avec la Rome antique par exemple. Ce que d'ailleurs des historiens aujourd'hui de la Rome antique tendent à valider, certains travaux au moins. Et il est donc relativement aisé de montrer que cette continuité n'est pas mise en cause par le fait que les républicains romains, notamment, ne s'opposaient pas à l'institution de l'esclavage. Puisque ce qui nous intéresse, c'est la continuité conceptuelle. Cette idée de liberté comme non-domination, il suffirait de la reprendre aujourd'hui, et puis d'avoir un concept inclusif. Bah, c'est pas simplement bah, les citoyens romains, les maîtres, mais tout individu... appartenant à une société. Et donc, on voit bien que dans ce qui est relativement aisé ici, c'est de montrer que la continuité, elle n'est pas mise en cause par le fait que les républicains du passé ne partageaient pas certains points qui nous semblent, plutôt défendaient certains points qui nous semblent aujourd'hui inacceptables. Et il suffit ici de construire un argument montrant que et c'est un argument qui est assez aisément qu'on peut aisément construire, l'esclavage n'est pas analytiquement contenu dans le concept de non-domination. On peut penser le concept de non-domination de façon cohérente sans avoir recours à la notion d'esclavage. Bon, ben ça semble relativement facile. Donc la continuité conceptuelle, elle est assez aisément, on peut assez aisément l'établir. Mais par contre, si on introduit l'exigence d'une histoire sociale des idées politiques, comme vous nous y invitez dans ce groupe de recherche, mon sentiment, c'est que cette démonstration va être singulièrement compliquée. Cette démonstration précise, par l'exemple que je prends, l'exemple important, puisque c'est le concept cardinal dont Petite déduit toute sa théorie. Alors pourquoi elle va être compliquée? Tout simplement parce qu'alors, il va être beaucoup plus difficile de détacher les concepts des conditions sociales, institutionnelles, dans lesquelles ils ont été pensés. Par exemple, on peut illustrer cette difficulté, non pas à partir de l'esclavage, mais à partir d'une notion qui est capitale, tant pour la tradition républicaine que pour le républicanisme contemporain, qui est la notion de vertu civique. Bon, ça a été évoqué, c'est un point fondamental que Pocock a hérité de Byron, mais qui évidemment est un concept, vertu civique, dominant dans l'histoire, pas dominant dans le sens de premier, mais toujours présent dans l'histoire de la tradition républicaine. Alors, si on s'en tient à une approche avant tout conceptuelle, on peut aisément faire valoir la continuité, à savoir l'idée que serait nécessaire, pour penser le maintien d'une société libre, serait nécessaire une disposition des citoyens à agir en conformité avec le bien commun. Afin, précisément, non pas pour créer une république de la vertu, mais afin de préserver les institutions qui garantissent la liberté des individus. Donc, là, vertu instrumentale destinée à maintenir les institutions libres. Et on peut faire valoir cette continuité malgré les ruptures fortes dans l'histoire du républicanisme, et notamment la nécessité d'abandonner les prémices aristocratiques de certaines formes renaissantes, ça a été évoqué tout à l'heure, mais pas seulement renaissantes, bien sûr antiques, de républicanisme. Et donc, possibilité de construire une continuité et de défendre une continuité tout en reconnaissant bien sûr des ruptures importantes. Mais si on adopte le type d'approche que ce séminaire appelle de ses voeux, alors les conditions sociales, institutionnelles à partir desquelles on pense la vertu civique à la Renaissance par exemple, apparaissent comme des éléments constitutifs de ce qu'est la vertu à cette époque. D'où une série d'obstacles qui se dressent devant le souci d'établir la forte continuité dont les théoriciens contemporains, petit en partie, dont ils se revendiquent, qu'ils réclament vouloir faire apparaître aussi dans leurs travaux. Peut-on penser aujourd'hui la vertu civique de façon similaire aux représentations que nous livre la Renaissance, par exemple, sans intégrer à notre conception contemporaine de la vertu les pratiques et les institutions aristocratiques ? Sans penser de façon explicite le rapport à la réalité de la guerre dans la définition du patriotisme, ou le rapport à l'économie politique propre à cette époque, ou encore le rapport aux convictions religieuses. On pense à l'Angleterre puritaine. De même, sans endosser la critique que fait Constant de la liberté comme participation, et sans non plus endosser aujourd'hui cette conception de la liberté comme participation, en s'en maintenant une conception négative, on ne peut pas non plus nier que les conditions sociales qui rendent possible à la fois l'intérêt des individus, des citoyens pour, et leur investissement dans les affaires communes, on ne peut pas nier que ces conditions sociales ont significativement changé depuis la Rome antique, en passant par la Florence du XVe siècle, l'Angleterre du XVIIe, la France révolutionnaire et les États-Unis contemporains. On ne peut pas nier que ces conditions ont changé et elles sont significativement différentes. Or, comme l'a défendu de façon convaincante Jeremy Waldron dans une critique de l'ouvrage républicain de Michael Sandel, Democracy's Discontent, la vertu civique est par définition une notion qu'on ne peut pas ne pas penser de façon crédible sans prendre en compte la spécificité des conditions empiriques dans lesquelles se trouvent les citoyens appelés à être vertueux, quel que soit précisément le contexte. Et comme ces conditions ont indéniablement fortement évolué au fil des époques, il semble à première vue hasardeux de prétendre que la même théorie de la vertu pourra valoir dans des contextes si différents. Et donc le souci de cette d'insister sur les conditions sociales de pensabilité ou de production des idées ou des concepts semble compliquer la tâche de la revendication d'une forte continuité. Ça semble renforcer l'épaisseur historique de l'histoire et donc la difficulté la difficulté des grands récits si on veut, mais la difficulté surtout de ce souci de dire il y a quelque chose de commun dans le projet de républicain de l'Antiquité et dans notre projet à nous. Quelque chose, pas tout évidemment, mais quelque chose. Bref, si les concepts ne peuvent être compris adéquatement que s'ils sont saisis au sein des conditions sociales où ils sont pensés à une époque, alors la revendication d'une continuité forte devient délicate à justifier. Alors, une solution de repli, ce serait d'admettre que l'épaisseur de l'histoire, donc cette disparité grande disparité des conditions sociales, nous invite alors à se représenter l'histoire comme un outil pour produire du contraste. Pas pour produire de la continuité, mais pour produire du contraste. Voilà comment nous ne pouvons plus penser la vertu civique aujourd'hui, étant donné les circonstances différentes. Puisque, précisément, ces conditions sociales ont tellement changé. Mais alors, en renonçant à revendiquer une continuité, ce qui est mis en péril, c'est l'idée même d'inscription de la théorie contemporaine dans une histoire. Puisque ce n'est plus une inscription en l'histoire, c'est s'inscrire en faux, en un certain sens, contre un moment de l'histoire. Donc c'est un usage pertinent de l'histoire, mais c'est un usage qui ne permet pas de valider l'inscription positive dans une lignée. Alors j'en viens à la deuxième condition pour que collabore la philosophie politique contemporaine et l'histoire. Il faut, et ça, là c'est une critique qui est adressée aux théoriciens contemporains, aux philosophes contemporains normatifs, qui tiennent à l'indépendance de leur théorie vis-à-vis de l'histoire, même s'ils n'y arrivent pas vraiment à la maintenir, cette indépendance. Ce qu'il faut ce qui est indispensable pour que collabore la philosophie politique contemporaine et l'histoire, c'est abandonner l'idée d'une indépendance totale de la validité philosophique de l'argument, donc indépendance vis-à-vis de l'argument historique. Donc ça, il faut abandonner ce mythe de l'indépendance totale. Alors, au sujet de cette condition, parce que ça c'est bien beau à dire, et toutes les sensibilités historiennes sont complètement d'accord pour dire ça, mais il faut le montrer. Il ne suffit pas de dire « vous ne pouvez pas ignorer l'histoire », il faut montrer en quoi leur théorie est prise en défaut, leur théorie est prise en défaut par ignorance historique. Et ça, c'est très rarement fait en réalité. Comme démonstration. Et donc, au sujet de cette condition, je vais examiner, pour simplifier les choses, deux questions. Comment convaincre les partisans de la philosophie politique contemporaine normative qu'ils doivent renoncer à cette indépendance? Quel argument convaincant pour eux leur opposer? Et comment devrait se traduire concrètement, qu'est-ce que ça comme implication, cet abandon sur la pratique de la théorie normative contemporaine? Alors, première question, comment convaincre donc les partisans de la philosophie politique contemporaine normative qu'ils doivent renoncer à cette indépendance totale? Alors, il ne suffit pas de leur dire, c'est très important de le préciser, il ne suffit pas de leur dire qu'il est intéressant ou fondamental ou indispensable de travailler avec les historiens, de ne pas ignorer l'histoire, etc., qu'ils vont apprendre des choses, qu'ils ignorent trop de choses, parce que ça, c'est tout simplement en dehors de leur souci premier qui est de faire une théorie convaincante, cohérente, et qui soit susceptible de s'appliquer aujourd'hui. Donc, il ne suffit pas de leur dire « c'est intéressant, l'histoire », parce qu'ils peuvent très bien reconnaître ça et dire « vos débats historiques ne changent rien à ma théorie ». Donc, il faut pouvoir leur montrer que leur entreprise, leur propre projet de théorie normative contemporaine perdrait à ignorer l'histoire. Il faut leur montrer ça. Alors, il y a plusieurs arguments, vous en avez peut-être d'ailleurs d'autres, je ne prétends pas du tout avoir épuisé la question, mais il y en a plusieurs qui viennent assez spontanément à l'esprit. Mais il me semble que l'un des plus importants, c'est le suivant, c'est que même les formes de philosophie politique contemporaine les plus spéculatives et les plus abstraites, et donc les plus étrangères et même les plus hostiles, explicitement hostiles au débat historique, toutes ces théories les plus spéculatives utilisent des concepts qui, de fait, sont liés au passé. Et ça, ils ne peuvent pas le nier. Alors, soit parce que ces concepts ont été élaborés, ou des définitions de ces concepts ont été élaborées à des époques révolues, soit parce qu'ils renvoient à des pratiques, ces concepts, ou à des institutions, ou à des documents qui ont une ou plusieurs histoires. Alors, pour les pratiques, pensez au vote, à la règle de majorité, au tirage au sort. Pour les institutions, pensez à l'Assemblée nationale, à la Cour suprême ou à n'importe quelle institution politique. Et pour les documents, bien sûr, les corpus juridiques, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par exemple. Or, on ne peut pas exclure, c'est là le nerf de l'argument, c'est qu'on ne peut pas exclure que ces histoires révèle des éléments importants de ce que signifient ces pratiques, ces institutions et ces documents sur lesquels portent les concepts utilisés par les théoriciens politiques contemporains. Et cet argument, qui est un argument factuel, de fait, vos concepts ont une histoire. Cet argument factuel fait donc en fait apparaître une possible richesse sémantique qui serait invisible sans l'histoire. Et cet argument peut être, à mon avis, renforcé par la thèse, qui est déjà ancienne, de Walter Galli, un philosophe anglais, selon laquelle, un texte assez ancien, de 55 ou 56, je crois, selon laquelle les concepts politiques sont dans leur grande majorité des concepts essentiellement contestés. Hein, c'est le titre de son article, Essentially Contested Concepts. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les désaccords irréductibles sur leur signification, sur leurs présupposés et sur leurs implications concrètes, politiques, etc., relèvent non pas d'une anomalie, non pas de l'inavancement ou l'inachèvement de la science, mais relèvent de l'usage normal de ces concepts. Il est essentiel à ces concepts qu'ils soient contestés dans des débats politiques. Et donc ce ne sont pas des concepts logiques ou des concepts scientifiques qu'on pourrait trancher par une expérience cruciale, qu'on pourrait réfuter une fois pour toutes, etc. Et donc la conséquence, c'est que l'effort de clarification des sens des concepts politiques, de chaque concept politique qu'on utilise, l'effort de clarification, il a un intérêt il a intérêt à se pencher non seulement sur la variété présente des significations contenues dans leurs usages incompatibles entre eux, mais aussi sur la variété passée de ces usages, ainsi que sur les versions, plus précisément, les versions antérieures des concepts dont les nôtres sont dérivés. Et l'idée centrale de Galli dans cet article est qu'il fournit un argument, je pense, à opposer à ces théoriciens normatifs qui revendiquent l'indépendance totale de leur théorie vis-à-vis des débats historiques. L'idée importante, c'est que lorsque l'univocité conceptuelle, elle est impossible, eh bien le recours à la comparaison synchronique et diachronique semble précieux et ne pas devoir être négligé. Alors, une précision sur cette série d'arguments, ça ne veut pas dire du tout que la philosophie politique contemporaine ne pourrait pas, dans certains cas, à tel moment, avec les bonnes raisons qu'elle invoque, ignorer l'histoire. Ça ne veut pas dire que, du coup, la théorie ne devrait être que la traduction fidèle d'une histoire donnée. Mais plus modestement, qu'elle a un intérêt philosophique intrinsèque à ne pas, ou théorique, à ne pas l'ignorer. Et donc, c'est une exigence minimale, mais minimale qui suffit néanmoins à dire il peut y avoir des cas où où la théorie contemporaine manquerait quelque chose si elle ignorait l'histoire. Alors, justement, que signifie cet abandon? Deuxième élément de la question, je finirai là-dessus. Cela signifie au moins deux choses en fonction des enseignements que l'histoire livre à la théorie contemporaine. Soit les leçons de l'histoire, ce que nous apprend l'histoire, de telle notion, telle institution, telle pratique, etc., de tel événement, la Révolution française ou l'époque de la Terreur, soit les leçons de l'histoire semblent devoir être suivies par la théorie contemporaine. Et alors, renoncer à l'indépendance totale de la validité philosophique vis-à-vis de l'histoire, ça revient à quoi? Ça revient à admettre que l'évolution des débats historiques est susceptible de modifier la théorie contemporaine. Alors, cela ne revient pas à remettre dans les mains des historiens et des historiennes le devenir de la théorie, puisque c'est aux philosophes d'aujourd'hui qu'il revient de trancher, d'un point de vue normatif qui est le leur, que les leçons doivent effectivement être suivies. Et de ce point de vue, il est important de rappeler que les historiens de la philosophie, qui prétendent réfuter telle conception développée par tel philosophe contemporain de telle notion au nom d'une reconstruction fidèle du passé de telle et telle notion, sont des prétentions qui manquent leur but. Elles oublient que montrer qu'un philosophe contemporain élabore un concept non fidèle à l'histoire de ce concept n'a en soi aucune valeur normative pour la philosophie politique contemporaine. Alors, deuxième cas, lorsque les leçons de l'histoire, au contraire, ne semblent pas devoir être suivies par la philosophie politique contemporaine, par exemple, lorsque l'histoire révèle des aspects, je mentionnais l'esclavage ou la colonisation, non acceptables de la tradition dans laquelle la philosophie contemporaine souhaite pourtant s'inscrire. Et dans ce cas, la philosophie politique contemporaine doit modifier le rapport qu'elle entretient avec son passé. Elle doit admettre que la continuité qu'elle voulait forte et substantielle s'en trouve limitée et réduite. Et donc il faut impérativement l'admettre. Alors, donc on peut illustrer ces cas de figure avec l'exemple de l'esclavage ou de la colonisation, ou avec des exemples plus ambigus, comme je le développe rapidement dans la conclusion, mais j'en parle pas, la conclusion du volume, l'exemple de la question de savoir si finalement la liberté républicaine que Petite voit chez les Romains, chez les Florentins, chez Montesquieu, chez dans les Federalist Papers, etc., s'il s'avérait que cette conception de la liberté était en fait plus positive que négative. Parce que, par exemple, il faudrait pas seulement ne pas être soumis à la domination d'autrui, mais ne pas vouloir soumettre autrui. Et ça suppose une maîtrise de soi, une forme de liberté positive. Qu'est-ce qui s'en suivrait? Eh bien, il s'en suivrait probablement que Petite s'il était cohérent avec son souci de s'inscrire dans l'histoire, devrait limiter son inscription dans l'histoire. Il devrait dire, bon, je reprends un élément de cette tradition, de cette conception de la liberté, mais pas le concept complet. Et donc, c'est ça que ça impliquerait, par exemple, et ce que la plupart des théoriciens politiques ne sont pas prêts à faire, hein, renoncer à des inscriptions dans l'histoire. Pensez à tous les libéraux qui se réclament de Locke, alors que la théorie de Locke est une théorie fondée sur des prémices théologiques absolument fondamentales. Et les théoriciens libéraux ne sont pas trop prêts à faire ça en général, mais ils continuent à se réclamer de Locke. En fait, de façon cohérente, ils devraient dire, bon, Locke, ce qui nous intéresse, c'est en fait quelque chose qui n'est plus vraiment de chez Locke. Donc c'est plus vraiment une continuité lockienne, c'est autre chose. Et c'est ça que devraient faire davantage les théoriciens contemporains lorsqu'ils sont face au constat que la continuité qu'ils revendiquent est en fait une continuité faussée. Alors voilà, j'avais prévu, mais je le fais pas, d'appliquer ces quelques éléments à la contribution de David Casazas qui porte sur la question de l'économie politique républicaine de Smith. Je le fais pas, et simplement je dirais, pour conclure, mais je pense que vous avez bien saisi l'idée importante, je dirais simplement que, en mettant en évidence les difficultés qui sont que j'ai évoquées, je ne veux pas du tout exprimer de scepticisme sur l'importance des bénéfices à tirer d'une juste articulation entre philosophie politique contemporaine et histoire de la pensée politique, histoire intellectuelle, au sens très englobant, œcuménique que j'ai dégagé. Ce qui en revanche me semble faire cruellement défaut, c'est une réflexion épistémologique explicite. Et explicite dans chaque cas, parce que c'est pas comme si on pouvait appliquer une épistémologie toujours la même avec quelques règles qu'on mettrait en évidence pour régler les questions, mais dans chaque cas, une réflexion épistémologique explicite et détaillée, accompagnant aussi bien le souci historien d'intervenir dans les débats théorique contemporain que le souci philosophique d'inscrire le projet contemporain dans l'histoire. Donc voilà, c'est ce qui me semble faire défaut, et ce que j'essaye de montrer la nécessité de cette réflexion, même si bien sûr ça ne fait que lancer quelques pistes. Merci beaucoup. Désolé pour le temps laissé au débat qui va être un peu réduit. Le meilleur, on peut dépasser un petit peu. Hein. Okay. Stéphanie, c'est à toi si tu veux ouvrir cette discussion. Ouais, merci. Merci aux trois intervenants. Je vais lancer aussi quelques pistes. Ce qui me frappe en fait à vous entendre, disons tous les trois successivement, c'est que finalement, quand on soulève la question du républicanisme, on est tout de suite le nœud de la difficulté qui s'est ressenti de manière différente. C'est extrêmement compliqué de séparer le fait et le droit, quoi. L'aspect théorique de la question, qui soit philosophique ou historique, si on se demande qu'est-ce qu'il y a dans l'humanisme civique d'un Bruni, par exemple, ou qu'est-ce que c'est que le républicanisme de Robespierre, enfin, si on se demande d'un point de vue historique, ou même, qu'est-ce que le républicanisme qu'on soit, dans une perspective normative, qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui qu'une théorie républicaine, enfin qu'un républicanisme contemporain. Donc la dimension théorique, qu'est-ce que c'est, et puis qu'est-ce que ça vaut. Et en fait, on a beaucoup de mal, et plus de mal que peut-être sur d'autres sujets, à séparer les deux. Finalement, ce que tu as montré, il me semble, Jérémy, c'est que dès sa naissance, le concept d'humanisme civique, il est entaché tout de suite. C'est censé être un concept historique qui nous donne la possibilité qui est censé nous donner la possibilité des clés de compréhension de la pensée d'auteurs des 14e et 15e siècles italiens, mais en fait, 16e, mais en fait, il est entaché par les présupposés idéologiques de Hans Baron, puis de Pocock, qui généralise le concept, enfin qui l'étend en tout cas considérablement à d'autres auteurs. Et du coup, on a envie de demander, dans ces cas-là, est-ce que... alors, la question va être différente selon la personne qui la pose, mais quelle est la valeur épistémologique, finalement, du concept d'humanisme civique ? Est-ce que ça permet... est-ce que ça permet sérieusement... C'est une clé d'interprétation, disons, opérante d'un point de vue historique, historiographique, pour comprendre la pensée de Bourny, pour comprendre la pensée des auteurs qu'analyse Pocock. Est-ce que l'extension de Pocock, elle est légitime, ou est-ce qu'elle est essentiellement due à sa volonté de retracer une généalogie dont a montré l'intérêt idéologique, cette espèce de grande, ce qu'on lui a beaucoup reproché d'ailleurs, dès la sortie du mouvement machiavélien, le fait que finalement c'était une grande odyssée de la pensée républicaine qui aboutissait royalement, qui culminait dans la Révolution américaine et que ça rejoignait complètement effectivement le point de vue de Arendt à la même époque et pour les mêmes raisons idéologiques de fond. Quoi. Donc qu'est-ce qui reste finalement une fois qu'on enlève les présupposés idéologiques, qu'est-ce qui reste épistémologiquement, historiographiquement du concept, en quoi il est pour un historien, disons, qui essaie d'agir en historien, qu'est-ce qui est opérant, quoi. Donc ça, ce serait ma première question. Et alors, enfin, pour la suite, moi, ce que, enfin, le point de vue Yannick, qui était plus justement de montrer que qu'il y avait, enfin, ce qui était à retenir. Y compris pour aujourd'hui, pour la réflexion sur les communs, sur la République actuelle, des auteurs de la Révolution française. Mais j'ai envie de poser la question inverse. Si on voit bien ce qu'on peut aller chercher, est-ce qu'il ne faut pas se prémunir, peut-être de façon très rigoureuse, quoi, du danger peut-être de reconstruire une généalogie qui, finalement, aurait tendance à écraser un peu les théories les unes sur les autres, ou en tout cas à n'y voir que ce qu'il y a de commun au détriment de ce qu'il y a de différent. Moi, je me suis demandé quand tu parlais, c'est un débat qu'on a déjà eu, mais quand on parle de la théorie du droit naturel, moi, je suis pas du tout convaincue qu'il y ait une tradition du droit naturel. Je pense que quand on analyse les philosophies politiques du XVIIe et du XVIIIe, bon, le droit naturel, on le trouve chez Hobbes, on le trouve chez les physiocrates, on le trouve chez Rousseau, on le trouve chez Robespierre, mais on voit bien, enfin, disons, même sans aller très très loin dans l'analyse, on voit bien qu'il y a des traditions du droit naturel. Alors, on peut reconstruire des généalogies, mais on est, il me semble, nécessairement amené à pluraliser les généalogies. Et c'est ce que tu disais toi-même, d'ailleurs, quand tu disais que il y a des traditions républicaines. Il y a une tradition républicaine, effectivement, qui et là, je te rejoins, hein, qui a, longtemps fait en tout cas la synthèse entre le républicanisme jacobin et les prémices du socialisme. Qui continue d'ailleurs après 48, parce que finalement, chez Jaurès, on a encore, même si c'est de façon différente, mais on a cette tentative de synthèse entre le républicanisme et le socialisme. Oui, mais est-ce que c'est de la même tradition qu'il s'agit ? Est-ce que c'est du même républicanisme, du même socialisme ? Comment tout ça s'articule ? Est-ce qu'il faut pluraliser ? Et comment ? Et qu'est-ce qui reste de commun, du coup, si on pluralise, parce que c'est aussi ça le problème. Quoi. Et je terminerai sur ce que tu as dit. Moi, j'étais assez d'accord avec les précautions que tu pointais, si on voulait faire de la bonne théorie normative sans négliger la dimension historique, etc. Le problème, c'est que il y a beaucoup d'obstacles épistémologiques dans les précautions que tu si on veut respecter les précautions que tu as énoncées, c'est-à-dire que justement, les concepts essentiellement contestés dont tu parlais, ils le sont pour des bonnes raisons, c'est qu'ils sont surdéterminés idéologiquement, et y compris jusqu'à ceux qui, aujourd'hui, veulent écrire de la théorie normative, quoi. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment se déprendre, jusqu'à quel point on peut se déprendre de ces prismes, Est-ce qu'il est vraiment possible de faire une théorie normative qui soit absolument au clair avec toute l'épaisseur des sémantiques qu'il y a dans les concepts ou pas? Vous voulez peut-être répondre, et puis après, je suis sûr que le public bout d'impatience. Je lui dirai ses propres questions. Je dois être long, parce que j'ai été beaucoup trop long tout à l'heure déjà. La question est compliquée. En fait, voici qu'il y a la valeur épistémologique des. En écoutant, j'ai envie de répondre. En fonction de quelque chose qu'a dit aussi Christopher, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une philosophie normative qui aimerait bien elle-même qu'il la fasse. L'ambition de ces gens-là, c'est d'être dans un système logique qui les dégagerait eux-mêmes de l'histoire. Eux-mêmes ne seraient pas, ils pourraient, du coup, ils ne veulent pas avoir de rapport à l'histoire, parce qu'eux-mêmes, ils voudraient produire un système logique. Je pense que pour l'historien, ce que je trouve ces questions-là, c'est que. C'est seulement à partir de l'analyse extrêmement détaillée des choses que se produit une logique. Et cette logique de l'action des hommes, à un moment donné, entre 1527 et 1530, qui a été qualifiée par les immigrés de jacobines, de robespierristes, d'anglais, etc., si on rentre bien dedans, on trouve effectivement une logique qui fait que des problèmes ne se posent pas à ces gens-là, qui se posent dans des termes qui ne sont pas si différents. Robespierre, après c'est Robespierre, enfin pour dire comme ça. Donc il y a bien une logique des choses, mais qui ne se comprend que, et pour le coup, à partir de ce que disait Yannick Post, du travail du quotidien et de la façon dont le travail, les expérimentations quotidiennes des gens remontent à des acteurs qui doivent là-dessus légiférer pour poser des normes, pour donner des cadres généraux. Qui font que la République peut tenir compte à chaque fois de la liberté des situations locales et en même temps être l'une et individuée. Donc, c'est pas. Ce qui reste, une autre question, ça a toujours une valeur dans tout cela, il y a dans la logique autour de la dispersion, dans l'usage. Ce que je vois, c'est que le terme civique humanisme peut continuer à avoir une valeur. Pour les historiens de la période, pour la théorie politique, il est simplement instrumentalisé et fort détaché de sa signification et de la pratique que les gens font les historiens, et que dans ce cas-là, ça devient plus un objet de sociologie des intellectuels américains des dernières 30 années Ta réponse, c'est qu'en fait, ça n'a à peu près aucune valeur épistémologique, c'est ça? Alors, non, là-dessus, je suis assez. C'est-à-dire que, il y a une situation avec l'école concurrente à Baronne, celle de Christeller, qui veut se débarrasser de la chose pour plutôt parler de l'humanisme en général, sans avoir besoin d'avoir un humanisme particulier qui serait civique. Le problème de Baronne aussi, c'était de distinguer un humanisme civique attaché au monde des républiques contre. L'humanisme qui pouvait être l'humanisme des cours raciales. Donc, une distinction un peu comme ça. Alors, Hankins, probablement, cherche à abolir cette distinction-là. Nagemi, dans son Histoire de Florence, fait un chapitre sur le moment de l'humanisme civique, extrêmement localisé, et permet de représenter clairement quelque chose de moment historique donné. Sa portée au-delà, l'association, une des associations difficiles, c'est de Machiavel à l'humanisme civique. Machiavel est plutôt un critique de cet humanisme civique pour toute une série de raisons. Je réponds parfaitement, juste parce que ça contribue à répondre à la question sur le problème des obstacles épistémologiques et notamment la surdétermination idéologique. Je crois que il me semble impossible de montrer qu'il y a un regard qui ne serait pas surdéterminé idéologiquement. Donc, c'est juste, c'est comme, c'est, je sais pas, c'est un argument épistémologique complètement, enfin tout à fait élémentaire, que on peut pas faire autrement que penser avec les catégories qu'on a, qu'on soit conscient ou pas qu'on les a, et nos catégories, elles sont pas, c'est pas nous qui les avons créées pour nous-mêmes, il n'y a pas de langage privé, c'est un langage qu'on hérite, c'est un langage commun. Et puis toutes les théories sociologiques viennent là pour nous dire ou sociales viennent nous dire d'où viennent ces catégories. Donc ça c'est pas un idéal à avoir. L'idée du, parce que tu as dit, est-ce qu'on pourrait faire vraiment une étude strictement rigoureuse historiquement ? Rigoureuse historiquement, si rigoureux historiquement, ça veut dire détaché de la surdétermination idéologique, ça n'existe pas. Enfin, moi, je suis d'accord. Donc, alors, ensuite. Il faut être un peu plus égalien que ça, dans la pratique scientifique. Il y a un moment où la possibilité du savoir absolu. Non, mais c'est pas ça que j'ai voulu dire. Alors, ce que ça veut dire concrètement, parce que si on abandonne le projet, le projet contemporain de construire une théorie philosophique qui permet de, selon le théoricien, selon le philosophe, les autres sont pas d'accord, bien sûr, mais de résoudre des problèmes, d'avancer, de gagner plus en liberté, en justice, en démocratie, ou je ne sais quoi. Si on abandonne ce projet. Qu'est-ce qui reste à l'action des idées? Soit elle se fait par à travers les mouvements de masse, possible. Soit elle se fait autrement. J'ai pas de liste exhaustive, de palette. Bien sûr que l'entreprise elle est périlleuse parce qu'elle cherche à s'abstraire de l'histoire. Alors, pas pour construire un système logique, pour valoir dans ce monde-ci, alors ce monde-ci, c'est-à-dire les démocraties occidentales, en gros, pas pour faire un système logique, pour avancer des propositions théoriques, se traduisant institutionnellement. Étant en mesure de convaincre la majeure partie des gens, d'emporter l'adhésion. Alors l'adhésion d'abord des collègues, puis ensuite des ceux qui construisent des manuels, et puis ensuite ceux qui légifèrent à l'Assemblée et qui votent. Donc si on disqualifie le projet à la base en disant votre projet il est surdéterminé idéologiquement. Comme le projet historique de c'est pas seulement le cas pour la théorie normative, c'est le cas pour l'histoire. C'est ce que nous apprend l'étude de Byron, l'étude de Pocock, l'étude de Skinner, qu'est-ce que cela. Ben, alors qu'est-ce qu'on fait? Et puisqu'on est obligé de faire quelque chose, il faut juste avoir conscience qu'on est constamment déterminé idéologiquement et essayer de contrôler ça au maximum. Et le contrôle au maximum, c'est une conscience épistémologique des enjeux, des dangers, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que cette conscience-là, elle n'existe pas dans la théorie philosophique. Mais elle n'existe pas. C'est-à-dire que qu'elle existe. Il y a vraiment une abstraction extraordinaire des principes de base sur lesquels les systèmes sont construits. Il n'y a pas tellement. Il n'y a pas d'historicisation, et c'est bien ça. Mais regarde, le meilleur exemple, c'est Rawls. Le parangon de cette soi-disant pensée désincarnée, abstraite, etc. Il écrit la théorie de la justice en 71. Il écrit le libéralisme politique, qui consiste à dire bon, en fait, ma théorie, elle est valable pour les sociétés démocratiques. Je ne fais que retraduire de façon théorique et organisée ce qu'est la culture politique de l'Amérique ou des pays démocratiques. Il fait une théorie politique qui est ultra historicisée. Alors, pas d'un point de vue social, probablement. Mais bien sûr que si. Historicisé, puisqu'il ne tient pas spécialement compte, à ma connaissance, mais bon, je connais beaucoup moins que toi, précisément, du fait que ces sociétés démocratiques, à laquelle sa propre théorie de la justice ou son propre libéralisme politique s'apprendrait, sont aussi le produit de l'histoire. Mais si, il le dit. La culture politique, c'est quoi? Ah ben non, parce qu'il n'est pas historien, parce qu'il serait fort pas au bon historien, et parce que cette même position qu'il adopte, il n'est pas en mesure de l'assumer jusqu'au bout. Mais il dit, c'est quoi le libéralisme politique? C'est les guerres de religion, Et donc le désaccord fondamental entre les gens, c'est le suffrage universel, etc. Donc alors après on lui dit, bah oui, mais le problème c'est que les guerres de religion, c'est un champ de bataille historique, idéologique, et donc si tu veux t'appuyer sur ça pour construire le libéralisme politique, ça va être très compliqué. Mais c'est indispensable. Alors il n'y arrive pas à le faire, mais au moins il reconnaît que sa théorie, elle n'existerait pas sans les guerres de religion, l'évolution du donc elle est ultra historicisée. Et on en fait parce qu'on comprend, parce qu'on le lit trop rapidement, parce qu'on lit du point de vue de l'histoire de la philosophie en disant ah il se trompe sur machin, ah, il se trompe sur bidule, il ignore l'histoire, donc il fait sa théorie dans son coin. Oui, il ignore l'histoire, mais il a bien conscience que sa théorie, elle est ultra historicisée en fait. Et donc, bien sûr qu'il n'arrive pas à prendre en charge son propre projet, mais parce que c'est quelque chose qui est démentiel. Produire une théorie qui vaille pour les sociétés démocratiques, une théorie de la libéralisme politique qui vaille pour les théories, pour les sociétés démocratiques contemporaines dans leur plus ou moins diversité, c'est du délire. Alors, c'est une ambition philosophique typique, mais c'est. Donc voilà, ça me semble être vraiment important de penser que. D'avoir à l'esprit que, notamment Rawls, il est parfaitement conscient de ce problème. Il le répond pas de façon satisfaisante, mais il en est parfaitement conscient. Il y a aussi une histoire de la philopolitique. Non, bien sûr. Il y a l'héritage de travail aussi. Donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, effectivement. Non, par contre, il y en a d'autres qui seraient des meilleurs exemples. Il y en a d'autres qui seraient des meilleurs exemples. Bon, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que, en quoi, le peu que je connais de partie de la philosophie politique analytique, je trouve une espèce de. Que tu combats, en fait, une présomption. Une présomption et une naïveté incroyable à penser qu'on peut auto-générer comme ça un système de pensée politique qui fut-il très situé dans le présent, etc. Alors même que, peut-être c'est aussi ma formation d'historien social des idées ou de sociologue de la connaissance, si je puis dire, qui a tendance à penser qu'on est largement pensé par ce qu'on pensait les générations précédentes et que si on occulte ça, on risque de nous répéter. Faire que reproduire. C'est pour ce qu'ils font, ce qu'ils prétendent faire. Alors pas Rawls, mais les théoriciens analytiques purs. Dire que ce qu'ils pensent, on l'a pensé avant. Ils disent oui, très bien. Ah, Platon l'a pensé, très bien. Mais ils se sentent pas mis en cause dans leur. Ce qui compte, c'est la validité de l'argument. Que cet argument réinvente le fil à couper le beurre. L'important, c'est il est bon ou il est pas bon. S'il est bon et que Platon, Aristote et toute la tradition, bah tant mieux, mais c'est indifférent en fait, la question. Sauf qu'ils peuvent reproduire des bêtises. Ah oui, bien sûr, mais s'ils reproduisent des bêtises, ils vont te dire, c'est pas parce que j'ignore l'histoire, c'est parce que j'ai mal construit mon argument. Alors là, tu peux dire, c'est ça le problème. Il faut montrer que. Non, mais oui, mais quand tu fais ce que Skinner fait avec la notion de liberté, tu dis, le débat analytique s'est enfermé et pense que penser la liberté, c'est nécessairement articuler liberté négative, articuler liberté et vertu, c'est nécessairement penser à un concept de liberté positive. Donc, Skinner dit, analytiquement, non. Et pour vous montrer ça, je pourrais vous faire un argument analytique, mais je vais chercher Machiavel. Donc, on va dire, vous voyez, Machiavel, ça nous sert à. Oui, mais l'argument qui est reconstruit chez Machiavel, on peut complètement le détacher de Machiavel. Et c'est ce que fait Petit. Petit dit, c'est pas parce que vous articulez liberté et vertu que nécessairement vous adoptez un concept de liberté positive. Si cet argument est valable, qu'on l'ait découvert chez Machiavel, c'est juste un hasard et ça n'a rien de c'est pas une position historiciste. C'est juste qu'on trouve un argument dans le passé et que l'histoire est utile à ça. Mais ce qu'il y a de spécifiquement historique, d'irréductiblement historique ou d'irréductiblement philosophique à l'intérêt de l'histoire, c'est négligeable en fait. Il me semble, il ne faut pas se tromper d'arguments en fait. Il faudrait montrer que aller un peu plus, montrer quelque chose de plus en fait. Ce qu'on ne fait pas non plus du côté des historiens contre ces théoriciens-là. Ouais. Oui, bien sûr, il faut que je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, pluraliser les généalogies à chaque fois, là, en l'occurrence, ce serait l'usage des catégories mobilisées dans ce qu'on appelle droit naturel. L'usage de état de nature, état social, contrat. Quand nous utilisons plutôt. Le singulier que le pluriel, c'est-à-dire que nous ciblons dans cette grande possibilité d'usage multiple de ces catégories un type d'usage. un usage dans lequel l'état de nature est une fonction normative pour l'état social. C'est-à-dire que la norme d'un état social, c'est dans le droit naturel à l'existence. Mais ça, c'est le cas pour toutes les écoles du droit naturel. Bah non, pas chez Hobbes, par exemple. Bah quand même. Enfin, je veux dire. Bah, ça, c'est pas une norme au sens. C'est pas une légitimité. C'est une... Non, mais c'est quand même. C'est la. Enfin, ça sert. Il n'y a pas aucun lien avec les règles qui doivent présider à l'état social et la loi de nature. Je veux dire. Ça repose dessus, même si c'est pas effectivement, il n'y a pas de juste, c'est pas des normes justes, mais c'est quand même, c'est les, comment dire, c'est les matériaux à partir desquels se construit la vie sociale, quoi. L'idée, n'est pas du tout dans le même type de relation. L'idée est que les droits naturels de l'homme, l'état de nature définit un certain nombre de principes. Dont l'État social a pour fonction de garantir. Il y a une continuité profonde entre les deux États. Alors que chez Hobbes, on est au contraire dans quelque chose qui est il y a une rupture. Il n'y a pas d'idée de penser des deux. L'État social n'a pas pour fonction de garantir la liberté naturelle. Bah, quand même. Ouais. Fondamentalement. Il ne m'est pas permis de ne pas préserver ma vie. Et le Léviathan, il est quand même là pour garantir que je puisse, justement, à l'abri du Léviathan, continuer à faire mes petites affaires. Quoi. Mais la liberté telle que la pense Hobbes, hein, je parle sous votre contrôle, dans l'état de nature, est pensée comme absence d'entrave. Ben c'est ce dont il faut se débarrasser pour aller établir un état. L'objectif n'est pas de la garantir. La liberté naturelle, c'est le droit illimité à toute chose. C'est ce dont il faut se débarrasser pour entrer en société. Donc ça c'est une. C'est une norme. C'est un droit, c'est une norme. C'est justement ce qui fait obstacle à l'état, à la construction de l'état politique. Même s'il reste une part de liberté, etc. etc. Mais le droit politique, il est là pour corriger, en quelque sorte, les dommages collatéraux du droit naturel, mais il n'est pas là pour, pour construire complètement autre chose qui n'aurait rien à voir ni avec la loi de nature, ni avec le droit naturel. Bah, il est là quand même pour construire des liens artificiels, une liberté artificielle, un homme artificiel. Il y a l'état de nature et puis il y a l'état artificiel, qui est la condition artificielle dans laquelle vivent les hommes en société. Il n'y a pas plus grande rupture. Enfin, je sais pas, alors après, bon, c'est des débats sur lesquels les historiens de la philo s'écharpent sur Hobbes, mais il n'y a pas du tout la même continuité qu'il y a chez Robespierre ou même chez Locke. L'état de nature a une fonction normative chez Locke qu'elle n'a pas chez Hobbes. Parce que chez Rousseau, il y a une rupture radicale. Oui, pareil, mais Rousseau n'est pas dans ce... Mais ça veut dire que c'est pas parce qu'il est rousseauiste. Ça, je ne pense pas que ce soit rousseauiste par ailleurs, mais bon, c'est aussi un débat qu'on a. Mais oui, tout à fait, Rousseau n'est pas dans ce type de schéma. Voilà, oui, je m'appuie simplement sur mon champ, c'est-à-dire la déclaration de 89, complétée en 93, la manière dont l'état social est pensé, la fonction des droits naturels dans ces schémas-là, et la manière dont ça est repris dans le débat politique. Après, que ça s'inscrive ou pas dans, encore une fois, des auteurs ou chez des auteurs... De fait, en tirant des éléments, en passant par Mably, on retombe sur Locke. Je pense pas, non, que Robespierre soit fondamentalement rousseauiste. Je le vois très, très loquien, en revanche. Bah, il n'arrête pas de dire qu'il est rousseauiste, il ne dit jamais qu'il est rousseauiste. Non, il n'arrête pas, c'est pas vrai. Il ne dit pas partout qu'il est rousseauiste, il dit qu'il admire Rousseau, mais c'est parce qu'on admire Rousseau au XVIIIe siècle qu'on est dans la pensée politique de Rousseau. Ce sont deux choses totalement différentes. Et en plus, ça a été fabriqué, construit en grande partie à partir de 1830-1840. Hein, le Robespierre rousseauiste a une histoire aussi. Non, mais il cite des passages de Rousseau entiers dans ses discours. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Bien sûr qu'il ne citerait pas des passages de Rousseau, mais ce n'est pas le seul. L'ensemble des acteurs de la Révolution française cite... Il cite jamais Locke, très rarement. Quoi. Il n'y a pas du tout le même... Il n'y a pas d'équilibre. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un dont il s'inspire manifestement et à la lettre. Oui, mais je ne vois pas où on peut retrouver ce qui caractérise la pensée politique de Rousseau chez Robespierre. Je ne vois pas où ce qui distingue Rousseau des autres serait à l'œuvre dans la pensée politique de Robespierre. Voilà. Oui, comme Robespierre, en fait, toujours. On peut dépasser un petit peu si c'est vous débat, parce qu'on a commencé un petit peu en retard, il y a des questions et des remarques